franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, à la technique Vincent Godard. Pour la première de cette nouvelle émission, je vous avais raconté l'histoire de la duchesse de Fontanges, favorite à 17 ans de Louis XIV, morte à 20 ans, peut-être empoisonnée par la marquise de Montespan. Puis, l'histoire de la journaliste Clara Maurier, partie à Varsovie en 1871 à la recherche d'un jeune nationaliste polonais. Ces deux émissions, bien sûr, toujours podcastables. Ce soir, c'est un autre voyage que je vous propose, en Turquie, sur les côtes de l'Asie mineure, celle où aujourd'hui des milliers de migrants tentent de s'embarquer pour la Grèce et l'Europe. Mais nous sommes à la fin du 19e siècle, en compagnie de Heinrich Schliemann, archéologue allemand, amateur et milliardaire. Il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un personnage très sympathique. Il ment, il vole, il est vaniteux, macho, méprisant. Mais l'homme est d'une obstination proprement fascinante. Contre l'avis des archéologues professionnels de son temps, qui ne voient en lui qu'un vulgaire self-made man, un riche commerçant inculte et parvenu, Heinrich Schliemann est celui qui va croire en son rêve et surtout le réaliser, découvrir les trésors de Troie et de Mycène, les cités mythiques de la Grèce ancienne. C'est à lui que l'on doit la mise au jour du fameux trésor de Priam, cet ensemble de 8000 objets et bijoux, d'or, d'argent et de bronze, qui, après des dizaines d'années de disparition, sont aujourd'hui exposés au musée Pouchkine de Moscou. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Marie Kemener, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à LCI et aussi un passionné d'archéologie. Vous avez publié l'année dernière chez Éric Bonnier « La saga des archéologues », un livre où vous rappelez les destins de 19 archéologues. Alors ça va de Champollion à Margherita Guarducci en passant par Howard Carter, le découvreur du tombeau de Toutankhamon, Hiram Bingham qui fouilla le site de Machu Picchu, des hommes et quelques rares femmes fascinants. Alors vous dites qu'ils sont tous des héros, des aventuriers, mais en même temps souvent des prédateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ils sont des prédateurs parce que bien souvent, il faut se remettre dans le contexte, la plupart sont du 19e siècle, et qu'à l'époque, l'archéologie se découvre. Victor Hugo disait qu'au 17e, on était helléniste, et qu'au 19e, on doit être orientaliste. Mais c'était exactement ça. Et il découvre un monde, il découvre des coutumes, et ils y arrivent avec un sentiment mêlé de supériorité de la révolution industrielle en marche, ou déjà faite. Et dans ce monde heurte de plein fouet un monde plus statique qui est resté un peu plus authentique peut-être, qui est le monde du proche, du Moyen-Orient, voire de l'Orient tout court. Et la rencontre entre les deux fait qu'ils y arrivent avec une certaine morgue et qu'ils doivent composer avec des traditions millénaires et une religion, en l'occurrence bien souvent la religion musulmane, qu'ils ne connaissent pas ou très très très très mal. La dite religion, d'ailleurs, acceptant mal qu'il y ait autre chose qui ait existé avant. Alors, on est loin de Schliemann, là, en l'occurrence, on est vraiment sur la Grèce. Mais quand bien même, le sultan turc n'a pas tout à fait facilité les choses à Schliemann non plus. Oui. Et Heinrich Schliemann, justement, dans ses portraits, ses 19 destins, quelle place occupe-t-il ? Il a une place tout à fait à part. J'ai voulu faire ce bouquin parce que ce qui m'intéressait, c'était la rencontre entre le découvreur et la découverte. Comment Howard Carter a croisé la route de Toutankhamon à plusieurs milliers d'années d'écart. Comment Heinrich Schliemann, qui est né au 19e, a croisé la route d'Achille, on est l'âge de bronze, hein, d'Hector, en l'occurrence, était un fan de Troie, donc des Troyens, donc plutôt Hector, disons. Du récit d'Homère. Voilà. Et c'est amusant de voir, parce qu'on peut se le permettre, avec toute la licence journalistique que ça comporte, on peut se permettre de les faire se rencontrer. Donc, comment ce bonhomme, qui effectivement, vous l'avez très bien dit, n'est pas forcément très sympathique au départ, mais on ne peut que reconnaître qu'il était follement passionné par Troie, qu'il a appliqué à Troyes dans ses recherches, j'allais dire, la rigueur luthérienne, c'est-à-dire le texte, et rien que le texte. C'est le genre de personne que j'aimerais tellement qu'il soit là avec nous, et il aurait plein de choses à nous raconter, mais vous et moi, en sortant, on se dirait, c'est pas quelqu'un de très sympathique, et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est obsédé donc par le récit de la prise de Troie, tel que Homer la raconte dans l'Iliade, pour se venger de Paris, prince de Troie, qui a enlevé son épouse, la fameuse belle Hélène, à qui on ne demande jamais son avis d'ailleurs. Ménélas, le roi de Sparte, avec son frère Agamemnon, lève une armée pour prendre Troie. Deux héros, donc vous le disiez, Jean-Marie Caménère, se font face. Achille, donc du côté achéen, du côté des Grecs, et Hector, du côté troyen. Alors Jean-Marie Caménère, nous poursuivons tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, partons au pied de la colline de Bounarbashi. C'est en Asie mineure, nous sommes en 1870, allez rêvons un peu. La scène est curieuse. Dans un paysage minéral et aride, dans une chaleur caniculaire, un homme court. Habillé à l'occidentale, il court, la tête pleine des vers de Homer. Autant en emporte l'histoire, jusqu'à 22h sur France Inter. Le trésor de Priam, de Jean-Philippe Noël, réalisation Michel Sidorov. Faut que j'y arrive. En disant cela, Achille s'élance vers la ville, plein d'un noble orgueil, avec la célérité d'un coursier qui tire le char dans les jeux. En le voyant, est saisi d'effroi. Il laissa les portes derrière lui et s'enfuit. L'un fuyant, l'autre poursuivant. Et moi, après quoi je cours ? Ainsi ils courent avec leurs pieds rapides, trois fois autour de la ville de Priam. Tous les dieux les regardent. J'espère qu'ils me regardent aussi. Vous êtes trempé. Vous devriez faire une pause. Impossible. Eux ne l'ont pas fait. Prenez au moins un peu d'eau. Merci, Sophia. Il fait au moins 45 degrés, ce n'est pas raisonnable. Encore un tour. Deux, trois tours, cela change-t-il quelque chose ? Homer a écrit que Achille poursuivit Hector en faisant trois fois le tour de Troie. Et j'en ferai trois fois le tour. Cet homme est fou. J'ai épousé un fou. Et cependant, le rapide Achille pressait sans relâche Hector. Je ne vais pas y arriver. Accroche-toi, mon vieux. Il le poursuit à travers les taillis et les vallées des bois. Et quand il se cache tremblant sous un buisson, le chien flaire sa trace et le découvre aussitôt. C'est la fin. Encore un effort. Le dernier. Comment Hector eût-il évité plus longtemps les guerres de la mort si Apollon, venant à son aide pour la dernière fois, n'eût versé la vigueur dans ses genoux rapides ? Merci, Apollon ! Dans quel état vous êtes ? Buvez. Buvez. Impossible ! Vous m'entendez, Sophia ? Impossible. Ni Achille ni Hector n'ont pu soutenir cette course comme Homer l'a décrite. Le terrain est trop accidenté. Même une chèvre n'y passe pas. C'est impossible, je vous le dis. Impossible. Homer ne connaissait peut-être pas la nature du terrain. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète ? Homer a vu Troie. Il a visité la ville, parcouru les plaines et les vallons qui entourent la cité pour écrire l'Iliade. Alors quand il écrit que Achille et Hector ont couru autour de la ville trois fois sans s'arrêter, c'est que Achille et Hector ont couru autour de la ville trois fois sans s'arrêter. Ils étaient beaucoup plus jeunes que... Pardon ? Je voulais juste dire que Achille et Hector devaient avoir à peine 20 ans. Et que moi j'en ai plus du double. Oh, Heinrich, pardonnez-moi. Ne dites rien, Sophia, ne dites rien. Vous n'allez réussir que me mettre d'encore plus mauvaise humeur. Alors que toute mon énergie ne doit se concentrer que sur un seul objectif. Découvrir Troie. Je croyais que nous y étions. Tous les historiens ne disent-ils pas que les ruines de Troie se trouvent sur cette colline de Bounarbassu? Je commence très cher à avoir de sérieux doutes. Heinrich Schliemann est en Grèce en compagnie de son épouse, Sophia. Ce petit homme, à l'allure toujours soignée et à la moustache parfaitement taillée, a fait fortune dans le négoce international. D'origine allemande et parlant une dizaine de langues, il a quitté les affaires pour, écrira-t-il plus tard, réaliser un rêve d'enfant, découvrir la ville de Troie, celle évoquée par le poète grec Homère dans l'Iliade. Pour les historiens du XIXe siècle, la véracité de la guerre de Troie narrée par le poète, censée s'être déroulée 1200 ans avant Jésus-Christ, est sujet à controverse. Les uns considèrent qu'il s'agit d'un récit purement légendaire, d'autres pensent au contraire que la cité du roi Priam a bien existé et se trouve en Turquie, sur les côtes de la mer Égée, non loin de l'actuel Izmir. Une colline fait office de Troie, authentifiée par la majorité des savants, celle de Bounarbashi, située à 10 km de la mer. Mais elle n'a guère livré de vestiges. D'autres voix affirment que Troie se situe plus au nord, sur le détroit des Dardanelles. La colline d'Issarlik est alors un outsider sérieux. L'un des premiers hommes à l'avoir fouillé est l'Américain Frank Calvert. Bounarbashi ne peut pas être le site de Troie. C'est évident. Comment peut-on se tromper autant? À croire qu'aucun savant n'a jamais lu l'Iliade, ni même mis les pieds en Turquie. Tous des incultes. Homère raconte que les combattants parcouraient plusieurs fois par jour la distance entre le camp des Grecs et la ville troyenne. Il y a près de 10 kilomètres entre Bounarbashi et la côte. 10 kilomètres. Comment déplacer une armée plusieurs fois par jour sur une telle distance? C'est impossible. Impossible. Et les sources? Homère parle de deux sources seulement, l'une chaude et l'autre froide. Je les ai comptées, une par une, 36. Rien qu'au pied du mont Bounarbashi. 36. Et toutes de la même température. Je les vérifie avec un thermomètre. De qui se moque-t-on? Je me le demande. En revanche, ce que j'ai vu d'Issarlik me semble bien plus intéressant. J'ai hâte de rencontrer ce consul qui se pique d'archéologie. L'homme, qui reçoit le couple Schliemann dans l'imposante demeure de pierre qui surplombe les eaux grises de l'Hellespont, est grand, un peu sec et d'allure dégingandée. Fils d'une vieille famille d'origine britannique, Frank Calvert est vice-consul américain à Çanakkale, port bruyant et laborieux du détroit des Dardanelles en Turquie. Archéologue amateur, il est l'un des premiers savants à avoir fouillé la colline d'Issarlik. Il s'est constitué chez lui un petit musée privé où de belles vitrines, qui sentent bon l'encaustique, présentent le fruit de ses recherches. Ce petit Zeus en bronze est un pur chef-d'œuvre. Magnifique. Ne trouvez-vous pas, ma chère? Votre collection privée m'impressionne beaucoup, monsieur Calvert. Merci, madame Schliemann. Avez-vous des pièces découvertes à Issarlik? Uniquement le petit bas-relief que je vous ai montré. Qu'est-ce qui vous a poussé à y faire des fouilles? Le plus grand des hasards. Mon frère est devenu propriétaire d'une partie de la colline, et comme je connaissais les théories sur l'implantation de Troie là-bas, Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un coup d'œil. Je me suis laissé dire que vous y avez mis au jour quelques ruines. Un temple romain, je pense. Avez-vous creusé plus profondément ? Non. Je ne disposais ni du nombre suffisant d'ouvriers, ni du matériel nécessaire. La Troie d'Homère est tout au fond, Monsieur Calvert. Enfouie, recouverte par des vestiges plus récents, j'en suis sûr. Monsieur Schliemann, pourquoi croyez-vous à la thèse de Isarlik ? Vous avez une carte de la Troade ? Bien sûr. Allons dans mon bureau, je vous prie. Regardez Isarlik. Elle est, à quoi ? Tout au plus une heure de la côte. Facile pour une armée de faire des allers-retours dans la journée. Là, vous savez ce que c'est ? Un marais ? C'est ça, un marais, un vrai marais, un beau marais. Et que dit Ulysse ? Que dit Ulysse, Sophia ? Oh, vous me prenez un peu au dépourvu. Lorsque nous arrivâmes à la ville, Nous nous étendîmes tout armés devant la citadelle, au milieu d'épaisses broussailles, dans les joncs d'un marais. Voilà. Mais vous êtes une spécialiste Homère, Madame Schliemann. Grâce aux leçons de mon époux. Et je suis fier de mon élève. Mais revenons à notre carte. Là, les rives du fleuve. Elles sont telles que les décrit Homère, bordées de papyrus et de végétaux divers. On y est, je vous le dis. On y est. Croyez-moi, il faut fouiller Isarlik. Les constructions que vous avez entrevues sont celles de la Troie romaine. Celles d'Homère se situent bien au-dessous. C'est là que nous irons. Et avec quels moyens ? Illimité, Monsieur Calvert. Illimité. Permis en poche, Schliemann entame sa première campagne de fouilles en octobre 1871. Deux autres suivront en 1872 et 1873. Les conditions de fouilles sont extrêmement difficiles. En fonction des saisons, les ruines sont écrasées par le soleil, balayées par la pluie et les vents, ou engourdies par le froid. Jusqu'à 150 ouvriers travaillent sur le chantier que Schliemann fait excaver profondément, sans se soucier des vestiges les plus récents, tant il est pressé de parvenir au niveau de la Troie homérique. Dans les premiers temps, Schliemann loge dans une tente sommaire. Petit à petit, des habitations et des ateliers en dur viennent compléter ce paysage minéral. Sa grande découverte, Schliemann la réalise en mai 1873, alors que s'achève sa troisième campagne de fouilles. Oh nom de Dieu, de nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, vous là! Oui, vous! Appelez ma femme. Et sonnez l'heure du repas. Oui, maintenant! Oh, nom de Dieu, de nom de Dieu! Qu'est-ce qu'il vous prend de faire sonner le repas si tôt? Il est à peine 11h! Je sais, Sophia, je sais. Regardez cela. On dirait... Chut. De l'or ? Oui, je crois bien. Et là, devant ? Une sorte de bouclier, un coffre peut-être. En or ? Non, en cuivre. Enfin, je n'en sais rien. Voulez-vous que j'appelle de l'aide ? Ma Sophia, chère enfant, ce que vous êtes naïve parfois. Je veux croire que votre jeunesse en est la cause. Heinrich Schliemann a épousé en 1869 et en seconde noce la jeune Sophia Castromenos. Quelques mois auparavant, il avait prié un ami grec de lui trouver une compagne. Au vu des photographies que ce dernier lui avait transmises, Schliemann répondit « En tant que voyageur expérimenté, je suis bon juge des visages. D'après les photos, Polyxena Gusti est autoritaire, impérieuse, dominatrice, irritable et vindicative. En revanche, Sophia Castromenos est une femme splendide, de conversation facile, compatissante et une bonne maîtresse de maison, pleine de vitalité. Malheureusement, elle est beaucoup trop jeune pour un homme de 47 ans. Sophia, si ce trésor est ce que je crois, nous avons une heure pour le récupérer et le mettre en lieu sûr. Les deux agents de l'État ne doivent rien savoir de notre découverte. Comment allez-vous vous y prendre ? Je dégage les pièces avec mon couteau et vous les dissimulez dans votre châle pour les porter dans notre baraquement. Attention ! Nous n'avons pas une minute à perdre. Ce mur risque de nous tomber sur la tête. Je me moque de ce mur, Sophia. Le danger, ce sont les deux bachibouzouks. Qu'ils découvrent notre secret. Et dans l'heure, ce sont tous les pachas locaux qui débarquent. Et là, on pourra dire bye-bye à notre or. Oui, bien sûr. Tenez, portez déjà cela. Ça ? Oui, Sophia, vite. Cette fois, je l'ai, mon trésor. Celui de Priam. La preuve irréfutable que j'ai bien découvert la Troie de Homère, vantée pour ses richesses et son or. J'ai réussi. J'ai réussi. Je suis un génie. Prenez ceci. Sophia, soyez délicate, voyons. Vous tenez entre les mains un pan de notre gloire. C'est lourd. Je sais, mais il le faut. L'histoire et moi vous saurons gré de vos efforts. J'ai réalisé mes rêves au-delà de mes rêves. Moi, le gamin d'un village perdu au fond de l'Allemagne. Moi qui, dès l'âge le plus tendre, voulais mettre mes pas dans ceux de Homère, me voilà pleinement récompensé d'une vie de labeur. Je n'aurai plus jamais honte. Cette honte d'entendre les plaintes de ma mère sans oser bouger. Cette honte de découvrir ce père entre les cuisses de la cuisinière. Cette honte de l'entendre éructer son alcool dans les rues. Cette honte de voir ce veuf épouser la bonne. La honte de voir ce père, mon père, un pasteur, chassé à coups de pierre par les habitants de sa paroisse. Que pouvais-je faire d'autre que de fuir et m'inventer une vie plus grande, toujours plus grande ? Moi, l'apprenti épicier, le petit comptable, le riche négociant, je peux désormais regarder le monde sans baisser les yeux. Je lui ai offert un trésor légendaire. Imaginez, Sophia, ce jeune héros troyen luttant contre les flammes qui décime sa ville. Il choisit pourtant, au péril de sa vie, de sauver le trésor de son roi, car il sait qu'un jour, quelqu'un en révélera l'éclat. Et 3000 ans plus tard, c'est moi. Moi, je le savais. Les dieux m'ont choisi. Sophia, soyez ma belle Hélène. Laissez-moi vous parer de ce diadème. Oh, Sophia, ma Sophia. Vous êtes une déesse. Voyons, mon ami, mon ami. Croyez-vous que ce soit le moment ? Sophia, vous êtes divine. Je me sens comme Paris, prêt à toutes les guerres pour vous. Oh, les paquets. Ne devions-nous pas préparer quelques paquets afin d'expédier discrètement le trésor vers Athènes ? Oh, Sophia, Athènes peut attendre. « Si l'on se fie aux écrits de Schliemann, c'est à peu près ainsi que fut découvert le trésor de Priam. Il s'agit en fait de sa première version. Par la suite, l'inventeur en donnera d'autres, rectifiant l'emplacement, le jour, voire la liste des pièces. Cette mise en scène hautement improbable porta et porte encore un certain discrédit sur les conditions réelles de la découverte et sur l'origine même des quelque 300 objets et bijoux, principalement d'or et d'argent. Heinrich Schliemann ment, invente, déforme la réalité. Dans son autobiographie, il narre une enfance romanesque, peuplée des personnages d'Homère, qu'il n'a lu en vérité qu'adulte. L'acquisition de sa fortune est parsemée de zones d'ombre et d'événements rocambolesques. Ses lettres sont pleines d'incohérences et ses journaux de fouilles, 100 fois réécrits, falsifient souvent la vérité. Il faut bien que je le reconnaisse, même si cela me fait un peu mal. Les savants allemands boudent mon travail, ou tout au plus, le considèrent sans grande valeur. J'espérais tellement réhabiliter le nom de Schliemann, et au lieu de cela, au pire, Berlin m'ignore, au mieux, Berlin me critique. Les Anglais me trouvent plus à leur goût. Ce n'est pas compliqué. Je suis reçu à Londres comme si j'avais escaladé la Lune. Le public adore les articles que j'écris pour le Times. Il les suit comme un véritable feuilleton. Les photos de Sophia portant les parures d'Hélène ont été partout publiées. Les British adorent les reines, c'est dans leur sang. Et ce cher vieux Gladstone, il ne manquerait pour rien une de mes conférences. Me voilà l'ami d'un premier ministre. Puisque c'est comme ça, je vais vendre le trésor de Priam aux Anglais. Les Allemands n'auront rien. Bonjour, Monsieur Schliemann. Manfred Schmidt, le correspondant du Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Je suis toujours ravi de recevoir un compatriote. Merci d'accepter de répondre à quelques questions. Monsieur Schliemann, on prétend que les fouilles que vous menez à Troyes ont détérioré les vestiges des époques grecques et romaines, faisant disparaître à tout jamais d'importantes richesses historiques. Que répondez-vous ? Que l'on exagère beaucoup. Dès la deuxième saison de fouilles, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour que de telles détériorations ne se répètent pas. Vous les reconnaissez donc ? Je reconnais quelques erreurs, au début, mais pas la destruction de vestiges importants. Le gouvernement turc vous reproche d'avoir sorti le trésor de Priam en fraude, sans même l'avoir averti de l'importance de la découverte ? On parle d'un procès ? C'est vous qui me faites un procès. Il paraît que vous êtes prêt à payer très cher pour conserver le trésor. La loi turque, mais je suppose que vous ne la connaissez pas, jeune homme, stipule que le trésor découvert appartient au propriétaire du terrain. Or, plusieurs d'entre eux, avec qui j'avais des accords de partage, ont été plus ou moins illégalement expulsés. Nous discutons donc avec les autorités pour trouver un accord qui satisfasse chacun. Vous êtes un homme riche, Monsieur Schliemann. Très riche, dit-on. Pensez-vous que tout soit achetable, même l'histoire ? Si c'est pour entendre de telles sottises, je préfère cesser ici notre entretien. Vous refusez de répondre, comme vous refusez de répondre à ceux qui prétendent que le trésor de Priam est un faux. Ce n'est pas un procès, mais une exécution. Non, monsieur, je vous pose juste les questions que tout le monde se pose. Si vous pensez que c'est un faux, rendez-moi un service. Allez l'expliquer aux Turcs. Vous me ferez faire des économies et gagner du temps. Sérieusement, vous croyez vraiment que si tel était le cas, il ferait des pieds et des mains pour en récupérer une part ? Jeune homme, faites-moi plaisir, réfléchissez et vérifiez vos sources. Justement, certaines de mes sources affirment que votre récit de la découverte est truffé d'invraisemblances. Il est prouvé aujourd'hui que votre femme était à Athènes, au chevet de son père, je crois, le jour de la découverte. Je me suis déjà expliqué 1000 fois à ce sujet. J'avais décidé d'associer ma femme à ce moment unique, car elle est mon associé le plus dévoué. Et je ne le regrette pas. En revanche, je regrette d'avoir à répondre toujours aux mêmes inepties. Elles m'affectent d'autant plus qu'elles émanent la plupart du temps de compatriotes. Reprocheriez-vous aux savants allemands leurs suspicions ? Mes collègues germaniques se montrent trop ancrés dans leur certitude. C'est regrettable, mais que puis-je y faire ? Avez-vous de nouveaux projets ? Je viens d'obtenir du gouvernement grec l'autorisation de fouiller Mycène. On dit que vous l'avez obtenue en finançant la destruction d'une tour sur l'Acropole. Je vous l'ai dit, cher monsieur, on raconte beaucoup de choses. mais quoi qu'en pensent mes détracteurs, je prouverai une fois encore que les textes antiques disent vrai. Que voulez-vous dire ? Lisez Homère, jeune homme. Cela ne devrait pas vous faire trop mal. Selon Homère, Mycène est la cité riche en or, celle du grand roi grec Agamemnon, celle seule capable d'affréter 200 vaisseaux pour partir à la guerre de Troie. Ses puissantes murailles sont telles qu'on les crut un temps élevées par quelques cyclopes. Lorsque Schliemann arpente le site pour la première fois, les ruines ont déjà été un peu fouillées. La célèbre porte aux lionnes est en partie dégagée et quelques pans des murs cyclopéens dépassent çà et là d'une végétation buissonnante, secouée par les vents. C'est août 1876, une belle et grande date. Je peux enfin attaquer mes fouilles à Mycène. Mes fouilles, je n'en suis malheureusement pas le véritable maître d'œuvre. C'est officiellement la Société archéologique grecque qui a reçu l'autorisation. Et elle m'a collé un petit contremaître dans les pattes. Après tout, c'est moi qui paie le salaire des ouvriers. 2,5 drachmes par jour. Heureusement, Sophia me soutient. Elle est merveilleuse. Elle est maintenant suffisamment aguerrie pour que je lui confie la surveillance de l'un ou de l'autre chantier. Yanis, vous pouvez servir le café. Madame ne devrait pas tarder à me rejoindre. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Sophia ! Sophia ! Yanis, où est ma femme ? Sophia ! Me voilà. Me voilà. Que se passe-t-il ? Écoutez ce que le Times ose écrire. Schliemann continue de nier le monde des intellectuels qui ont voué leur vie au monde passé. Je vous passe les détails. Écoutez. Aucune tombe ne sera jamais trouvée à l'intérieur de la citadelle de Mycène à moins que le destructeur de Troie n'en sème lui-même durant la nuit. Le destructeur de Troie ! Mais pour qui se prend-il cet écrivailleur ? Comment ose-t-il écrire qu'aucune tombe ne sera découverte dans la citadelle ? Calmez-vous, voyons. Avec cette chaleur... Il va me le payer, vous m'entendez ? Me le payer ! Yanis, mon écritoire, vite ! Ah, il ne manquait plus que lui. Mais qu'est-ce que ce mangeur de moussaka me veut encore ? Heinrich, calmez-vous. Monsieur Schliemann, je dois vous parler tout de suite. Monsieur Stamatakis, que se passe-t-il ? Une tasse de café, peut-être ? Il se passe, monsieur Schliemann, que des ouvriers ont commencé d'ouvrir une tranchée à côté de la porte des lionnes, à l'intérieur même de la citadelle. Figurez-vous, monsieur Stamatakis, que je suis au courant. C'est moi qui leur en ai donné l'ordre. Monsieur, en tant que représentant de la Société archéologique grecque... On le saura. Donc, en tant que représentant de la Société archéologique grecque, je dois être informé de chaque ouverture de chantier afin d'en demander l'autorisation à mes supérieurs. Qui devront ensuite en référer au ministre et cela prendra encore des semaines. C'est mon travail. Alors faites-le, monsieur Stamatakis. Vous êtes là pour cela. Et ne nous dérangez plus. Les travaux ont déjà commencé. Juste les fouilles prospectives. Ne me prenez pas pour un imbécile, monsieur. Je suis autant archéologue que vous. Et contrairement à vous, moi, je l'exerce comme un véritable métier. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que je me fie au travail de mes prédécesseurs, que je compare les textes avec les découvertes sur le terrain, et que je ne me contente pas de lire Homère ou Pausanias et de dire que la vérité est dans la littérature. Si notre méthode de travail ne vous convient pas, rien ne vous retient. Au contraire, toute la façon dont vous menez vos fouilles me retient. Ce n'est pas vous qui creusez, mais votre argent. Toute la Grèce sait que vous avez obtenu le droit de creuser à Mycène parce que vous avez payé la destruction de la tour franque de l'Acropole. Et alors, reprocheriez-vous à mon époux d'avoir exaucé le vœu de tout un peuple, celui de rendre à l'Acropole sa beauté originelle ? La tour franque a été construite par les croisés. Elle était donc un monument historique. Une verrue sur l'Acropole. Que cela vous plaise ou non, l'histoire ne commence pas, ne s'arrête pas aux écrits d'Homère. Vous pourrez vous payer toutes les autorisations que vous voulez, cela ne vous autorise pas à réécrire l'histoire. Moi, je réécris l'histoire. Moi, qui ai découvert Troie. Espèce de minable petit danseur de Sirtaki, vous allez voir où elle commence, histoire. Calmez-vous, Aldrich. Je ne me calmerai pas tant que ce buveur de Red Sina ne m'aura pas présenté ses excuses. Vous pouvez faire creuser de tranchées sans que j'en avertisse les autorités. Je ne vois pas ce qui me retient ici davantage. Si vous le permettez, mon ami, je me rendrai dès demain à Athènes pour régler ce problème. Malgré ses demandes réitérées, Sophia ne parvient pas à obtenir le renvoi de Panagiotis Stamatakis et les relations entre le couple et l'archéologue ne vont cesser de se détériorer. C'est pourtant ensemble qu'ils font l'une des découvertes majeures de l'histoire de la Grèce préhellénique. Le 28 novembre 1876, Schliemann annonce la découverte du trésor de Priam. Parmi ses immenses richesses se trouvent 5 masques mortuaires en or, dont l'un fut appelé le masque d'Agamemnon. À l'époque de Schliemann, il était tout à fait concevable que ces masques et l'ensemble du trésor aient appartenu aux héros de la guerre de Troie. Depuis, les archéologues estiment qu'ils sont antérieurs d'environ 3 siècles. Les fouilles de Schliemann à Mycène ont surtout permis de révéler une civilisation raffinée, un millénaire avant celle de la Grèce antique. Merci, Yanis. Mais servez madame en premier. Non, merci, Yanis. Ma chère, vous n'avez pas touché à votre mezzé. Et maintenant, vous ne voulez même pas de vos spanakorizo. Vous les aimez pourtant. Sophia, dites quelque chose. Votre décision est définitive ? Elle l'est. J'annoncerai dans les jours à venir que le trésor de Priam va quitter l'Angleterre pour être définitivement exposé à Berlin. Vous avez donc renoncé à rapatrier le trésor en Grèce ? Sophia, nous en avons déjà parlé. Vous savez à quel point il est cher à mon cœur. Je le sais. Mais le trésor de Priam doit être présenté au public dans un grand musée. Il y a de grands musées en Grèce ? Et je n'ai pas hésité une seconde à offrir à votre pays le trésor de Mycène, malgré les épouvantables rumeurs qui couraient alors dans Athènes. Il est vrai que l'Allemagne a toujours été bienveillante à votre égard. Combien de fois vous ai-je entendu vous plaindre de vos compatriotes ? Reconnaissez que depuis quelque temps, les Allemands se montrent plus intéressés. Mon dernier livre y est un véritable succès, mieux qu'en Angleterre, pour une fois. Même Bismarck se passionne pour mes recherches. Mais d'abord exposé au Musée des Arts Décoratifs de Berlin, le trésor de Priam est transféré en 1885 au département de préhistoire du Völkerkundemuseum. Bien moins prestigieux. Mon pauvre ami, les Allemands ne vous auront jamais considéré à votre juste valeur. Le trésor de Priam se trouvait encore dans les collections berlinoises à la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il disparut. Il fallut attendre les années 1990 pour que la Russie reconnaisse, du bout des lèvres, le détenir comme prise de guerre depuis 1945. Il fait désormais partie des expositions permanentes du musée Pouchkine à Moscou. En compagnie de Sophia, nous avons continué de fouiller. Là, sur les traces d'Ulysse, ailleurs à la recherche du tombeau d'Alexandre le Grand. J'ai commis quelques erreurs, je sais. Les masques de Mycène sont antérieurs à la guerre de Troie. Hector et Achille n'ont peut-être jamais fait le tour des remparts. Et le trésor de Priam ne correspond pas à l'incendie de la ville. Priam lui-même est certainement un personnage mythique. Mais qu'importe, quoi qu'en disent mes détracteurs, j'ai ouvert un monde nouveau à l'archéologie. Et cela, toutes les mauvaises langues du monde ne peuvent me le reprendre. C'était Le Trésor de Priam de Jean-Philippe Noël avec Jean-Luc de Baptiste, Heinrich Schliemann, Louise Pastot, Sophia Schliemann, Geoffrey Carey, Frank Calvert, Damien Zanoli, Panagiotis Stamatakis et Philippe Weissert, Manfred Schmidt. Bruitage Jean-François Bernard Sugy, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Nicolas Slimani, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation Michel Sidoroff. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans un instant, on retrouve Jean-Marie Kemener pour parler de cet homme étonnant, Heinrich Schliemann, et du trésor de Priam. I got a lucky hand. Got to sun eyes, but soon I think this song is called My Friend. L'histoire avec Stéphanie Duncan. Other Lives, English Summer sur France Inter. On a entendu donc juste avant l'étonnante histoire de Heinrich Schliemann, l'archéologue allemand, le découvreur de Troie et de Mycène. Jean-Marie Kemener, donc je le rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes aussi un passionné d'archéologie. Est-ce que c'est une passion qui est née comme pour lui dans l'enfance ? Non, pas vraiment. Peut-être aussi le fait que je sois carnacois avec les vieilles pierres, finalement, chez nous à Carnac, on les a fait pousser. Mais... En Bretagne, oui. Voilà. Mais le fait est que quand on fait du reportage, notamment du reportage de guerre, on a besoin de calme, de tranquillité et de comprendre. Or, pour comprendre l'histoire, il n'y a rien de mieux. Donc on commence par là, et finalement, on se rend compte que... En essayant de comprendre les vieilles pierres, on en arrive à comprendre nos contemporains, et en tout cas d'expliquer certaines choses, et ça facilitait mon travail de reporter, donc c'est venu de là. Donc vous avez publié l'année dernière La saga des archéologues chez Éric Bonnier, dont un chapitre est consacré à Schliemann. Alors quand celui-ci, on l'a entendu là, dire « J'ai ouvert un monde nouveau à l'archéologie, et cela, toutes les mauvaises langues du monde ne peuvent me le reprendre. » Est-ce que c'est vrai, à votre avis, que Schliemann a ouvert un nouveau monde à l'archéologie ? Non. D'abord parce qu'avant lui, il y en avait beaucoup. Peut-être qu'il a ouvert le monde de l'archéologie amateur. Alors c'est le meilleur de tous les amateurs, mais parce qu'il a trouvé quelque chose. Mais il n'a pas trouvé le masque d'Agamemnon, c'était bien après. Il n'a pas trouvé Troie, il est même passé au travers. Et quand je dis passé au travers, c'est stricto sensu. Imaginez une grande colline avec évidemment des étages de villes qui succèdent, parce que l'archéologie c'est ça, on rentre dans un espèce de millefeuille. Et il y avait plus de 9 couches, et il a... Troie était assez vite, en fait, quand il a commencé à creuser, il est complètement passé au travers, parce que il a cassé beaucoup de choses en passant au travers. Il a tout massacré. Donc, Une idée fixe, il a foncé tête baissée. Oui, c'était un homme qui était intéressé par l'argent et qui aimait bien l'or, et donc il cherchait le trésor de Priam. Qui lui a dit qu'il y avait un trésor de Priam ? Ça, Homère en a ajouté un peu, parce qu'Homère n'était pas non plus le dernier pour ajouter des petites choses, mais enfin, C'est un poète. C'est un poète, et donc la licence littéraire lui était autorisée, pas Schliemann. Et Schliemann voulait un trésor. Oui, c'est encore un rêve d'enfant, trouver un trésor. Donc le personnage, on l'a remarqué, et là je pense que vous êtes d'accord, il est assez exécrable, imbu de lui-même, il ment, il vole, il détruit des objets, il n'a que mépris pour les autorités turques et grecques, il choisit sa femme sur un catalogue et choisit la plus soumise. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu le parfait reflet du petit bourgeois européen de la fin du 19e siècle, qui n'a aucun doute sur sa supériorité et qui arrive en Turquie ou en Grèce, en terrain conquis ? Il est bizarrement moderne, il est étrangement moderne, mais il représente surtout le rêve américain en version prussien, quoi. Il est devenu américain. Entre-temps, avant de trouver Troie, il devient américain parce que ça arrange ses affaires, et surtout il veut divorcer. Il a quand même remarqué que c'était beaucoup plus facile de divorcer aux États-Unis déjà à l'époque que dans son Allemagne natale. Mais c'est le rêve américain. C'est un garçon qui à 14 ans a dû être épicier, qui a fait naufrage à 22, qui s'est retrouvé à être secrétaire administratif, petit comptable de l'ambassadeur de Prusse aux Pays-Bas, ce qui était les Pays-Bas à l'époque. Il apprend le russe, il va vendre du textile, il monte son entreprise. C'est l'un des personnages aussi qui a vendu le plus d'armes pendant la guerre de Crimée. Et ce type en est arrivé à développer un ego visiblement un peu surdimensionné. Il aurait pu utiliser son argent pour autre chose. Il l'a utilisé pour réaliser son rêve. Je ne le juge pas là-dessus. Ce qui est extrêmement dommage, c'est que toutes ces découvertes, il a voulu les garder pour lui. Or, la plupart de ces grands archéologues ont voulu révéler les trésors qu'ils découvraient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques tentations parfois d'en garder un peu pour soi, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de révéler au monde une partie de son histoire, et c'est pour ça que les archéologues sont des gens absolument fabuleux. Oui, donc les grands archéologues de l'époque, de la fin du 19e siècle, ne lui ressemblent pas, de ce point de vue, les Howard Carter... Non, et ils sont tout aussi aventuriers que lui. Celui qui a donc découvert le fameux tombeau de Toutankhamon. Oui, en passant, il a découvert le tombeau de Toutankhamon parce que bien des années avant, il faisait visiter la Grande Pyramide, et un touriste français un peu aviné... lui dit, j'y vois rien, il n'y a pas de lumière ici. Il se fâche, il est dans une pyramide, il n'y a pas de lumière, monsieur. Et l'autre continue, très français, continue de s'énerver. Il a fini par lui éclater la tête, ce qui a fait qu'il a été viré et donc embauché. Vous voyez, c'est toujours un enchaînement de circonstances qui fait que ces grands hommes se révèlent. Et vous dites aussi, Jean-Marie Kemener, dans votre livre, qu'il y a des jalousies très fortes entre les archéologues. C'est moi d'abord, c'est moi qui ai trouvé le premier. Si je peux me permettre, c'est rien à côté de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une guerre de tranchées, à tout point de vue d'ailleurs, parce que généralement, ils creusent des tranchées. Mais déjà à l'époque, plus on découvre, plus les découvertes se raréfient, naturellement. Et à l'époque, il y avait quel mythe restait-il à découvrir encore ? L'Égypte était bien avancée, encore que, mais quand même bien avancée. Et Troie faisait partie du c'était le mythe absolu, Troie. C'est comment retrouver Troie ? Et il n'était pas le premier à le chercher. Il a eu cet énorme mérite de ramener Troie dans une réalité palpable. parce qu'on est tous un peu comme ça, on a besoin de toucher, et nous, il nous a fait toucher trois. Alors le trésor de Priam, ce fameux trésor qui n'est sans doute pas de Priam, mais que Schliemann a découvert malgré tout, est-ce que vous l'avez vu, vous, Jean-Marie Kemener, au musée Pouchkine de Moscou ? Non, et je m'en veux beaucoup parce que je ne suis jamais allé au musée Pouchkine. Bon, cette histoire est quand même fabuleuse, comment ce trésor donc est arrivé à Berlin, donc offert, on l'a entendu, par Schliemann à l'Allemagne. En 1945, les Soviétiques sont à Berlin, le trésor disparaît, comme par hasard, et il disparaît, mais on n'a aucune nouvelle pendant des dizaines d'années. Et puis, soudain, qu'est-ce qui se passe en 1993, Jean-Marie Kemener ? Soudain, Boris Eltsine arrive à Athènes. En 93, pour un voyage officiel, et probablement que le Louzo local fait son effet. Toujours est-il que il révèle à ses interlocuteurs grecs ébahis que il sait très, lui très très très bien où se trouve le trésor de Priam, et il le révèle. Il explique que ça a été donc retrouvé par le maréchal Yukov dans le zoo de Berlin où ça avait été mis en sécurité pour échapper au bombardement allié, entre autres choses. Les troupes soviétiques arrivant dans Berlin, on parle donc de Berlin-Est, logiquement, rapatrient tout ça sur Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. et le gardent au secret. Le problème, c'est qu'une fois qu'Eltsine a dit que c'était chez lui en 93, il fallait bien en faire quelque chose. Donc en 96, il l'expose au musée Pouchkine, il y est encore. Il l'expose au musée Pouchkine, mais alors là, l'autre problème, c'est que la Turquie et la Grèce et l'Allemagne réclame l'Allemagne d'ailleurs, on se demande un peu pourquoi, hein, mais enfin bon, réclame leur part de trésor, leur part du gâteau. Et pour ça, il y a une loi, mais qui existe encore, qui a été prise en 99 par les autorités russes, qui est une loi rétroactive, c'est dire sa constitutionnalité, en tout cas en termes français. Les butins de guerre artistiques qui ont été récupérés pendant la guerre appartiennent définitivement à la Russie, ce qui coupe court évidemment à certaines revendications de la Turquie notamment et de la Grèce pour les récupérer. L'archéologie, ce sont des vieilles pierres, mais c'est un enjeu politique et religieux aussi. On s'en rend compte dans l'actualité. On se souvient des talibans faisant exploser les bouddhas de Bamiyan en 2001, en Afghanistan. Plus récemment, la destruction par Daesh du site archéologique de Palmyre en Syrie, classé au patrimoine de l'humanité. L'assassinat de Khaled el-Assad, cet archéologue de 82 ans, décapité le 18 août dernier par les djihadistes de Daesh. C'est un enjeu toujours aujourd'hui. Et comment ça se fait que l'archéologie comme ça suscite autant de passion ? Ce sera toujours un enjeu, parce que ça raconte notre histoire. Or, si vous voulez inciter des gens à se battre, à se faire tuer ou à tuer, vous devez modifier leur histoire. Vous devez leur expliquer que l'autre est l'ennemi. Pour modifier cette histoire, il faut la mettre à votre main. Il faut donc du bourrage de crâne, pour parler plus clairement du monde. Les archéologues, c'est l'anti-bourrage de crâne. Il vous explique avec quelle complexité des liens se sont tissés entre toutes les civilisations ou dans une seule civilisation. Palmyre, par exemple, et Daesh, c'est frappant. Avant Palmyre, ils ont détruit le site de Ninive. Or, c'est un découvreur anglais qui a trouvé Ninive. Quand il découvre Ninive, il a un énorme problème, c'est que ses ouvriers ne veulent pas sortir les têtes, ils appellent ça du chatan, le diable, du démon en arabe, parce que ce sont des béliers avec des ailes et ce sont donc des démons. Et c'est de la période pré-islamique. Or, y compris les chers locaux ne veulent absolument pas qu'on puisse expliquer qu'il y avait quelque chose d'autre avant le prophète. C'est juste pas possible. C'est pas très nouveau ce que fait Daesh. C'est hélas dramatique, compliqué, tout ce que vous voulez, mais c'est pas très nouveau. Le vrai problème des destructions, j'en profite pour glisser quelque chose de très important, mais de très cynique, que ce qui a déjà été découvert, étudié, soit détruit, c'est gravissime, mais ça n'est pas grave parce que l'histoire de l'humanité est déjà inscrite. On a des photos, on a des études, on sait ce que c'était. Le chaînon existe. Ce qui est très très grave, c'est ce qu'on aurait pu découvrir encore, qui là n'existera plus jamais, ne sera plus jamais étudiant. Et là, on va avoir des chaînons manquants dans notre chaîne historique qui est censée nous rendre meilleurs. L'histoire, l'apprentissage de l'histoire est censé nous rendre meilleurs. Vous avez raison, Jean-Marie Kemener. Merci beaucoup. Sans parler du trafic d'objets d'art, mais ça c'est un autre sujet. Donc je rappelle, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de LCI et auteur d'un livre, La saga des archéologues, paru l'année dernière chez Éric Bonnier. « Autant on emporte l'histoire est terminé pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. La semaine prochaine, je vous proposerai une nouvelle fiction, Adrienne Bolland, la rebelle des Andes, l'histoire de cette aviatrice française, réputée pour son courage et sa gouaille, qui à 25 ans, en 1921, réussit à traverser la cordillère des Andes à bord d'un Caudron G3, un biplan en bois et en toile, elle vêtue d'une sorte de pyjama rembourré de papier journal. Elle était la première aviatrice à réaliser cet exploit, un sacré personnage. Pour en parler, je recevrai Catherine Monoury, l'actuelle directrice du Musée de l'air et de l'espace, et elle-même aviatrice. Autant en emporte l'histoire, dimanche prochain à 21h. Très bonne soirée à tous.